à 15 ans. J'allais au collège, restais en bas avec mes collègues. Et à 16 ans, j'allais au lycée, j'ai fait 6 mois, je me suis fait virer, j'ai glissé à 17 ans. J'étais sur les chantiers, je cachais à ma mère que je chantais. J'avais honte, toi tu connais, à 18 ans. Je me prenais pour un grand, je sortais en boîte, je branchais des mines, je faisais des bagarres tout le temps. Les années passent, tu vois pas passer le temps. Et toutes ces ruelles que j'ai pris, je n'en de temps. Que personne ne m'embaye, je suis sous les tropiques en détente. J'ai mis le cerveau en veille, en attendant. En attendant, en attendant. En attendant, en attendant. En attendant, en attendant. Je tue mon temps, je tue mon temps. À 19 ans, j'ai arrêté travail foot, j'étais con, je fais 2-3 cambus, ouais frangin, c'était la déroute. Et à 20 ans, en 2010, ça faisait plein de bêtises, ouais des gens ça traumatise. Histoire de fou, histoire de 10, en 2011, j'allais voir mon frère en zone, j'y faisais des parachutes pour qu'il ait son tel, son couteau, sa conserve. 22 ans, je restais à la pente, je tuais mon temps, je suis le télékepi tout en tuant mon terre. Les années passent, tu vois pas passer le temps. Et toutes ces ruelles que j'ai pris, je n'en de temps. Que personne ne m'embaye, je suis sous les tropiques en détente. J'ai mis le cerveau en veille, en attendant. En attendant, en attendant. En attendant, en attendant. En attendant, en attendant. Je tue mon temps, je tue mon temps. À 23 ans, j'ai sorti cross volé, j'étais dans ma paranoïa, j'ai vu plein de gens s'envoler. À 24 ans, j'fais tout plein de showcase, les poitrons de potes, j'les ai choqués. J'ai tourné dans presque toute la France à 25 ans. J'ai sorti My World, ma team c'est la meilleure. Grâce à elle, j'ai fait disque de diamant à 26 ans. J'peux plus sortir, ça me contrarie. Mais bon, me cacher, ça sert à rien. Alors j'me suis acheté un Ferrari à 27 ans. Victoire de la musique, gros score digital physique. De quoi tirer la jalousie. Les années passent, tu vois pas passer le temps. Et toutes ces ruelles que j'ai pris, je n'en de temps. Que personne ne m'embaye, je suis sous les tropiques en détente. J'ai mis le cerveau en veille, en attendant. En attendant, en attendant. En attendant, en attendant. En attendant, en attendant. Je tue mon temps, je tue mon temps. Ibarababarabam. Ibarababarabam. Je tue mon temps, je tue mon temps.